Je sais que parmi vous, nombreux sont ceux qui, la semaine passée, ont pris ce message du pape François à l'adresse des jeunes pour la Journée mondiale de la jeunesse, qui était le dimanche des rameaux, et aussi en préparation à la prochaine Journée mondiale de la jeunesse qui aura lieu à Panama. Il y a plein de petites perles, hein. Ça fait trois dimanches qu'on partage à partir de cette petite lettre et qu'on laisse l'Évangile être éclairé par les propos du pape François. Et c'est toujours bon, effectivement, à la fin d'une session, à l'approche de l'été, avant de démarrer une nouvelle année, de se remettre face aux questions de discernement, se redonner des clés de discernement, puisqu'on a des choix à poser. Des choix, quand on est jeune, même assez fondamentaux. Les choix que l'on prend dans la vingtaine vont orienter toute notre vie. Alors, eh bien, le pape François nous donne de nombreuses clés dans ce document que l'on vous distribuera à nouveau à la fin de la célébration, que vous pourrez lire ou relire. Je voulais m'attarder ce soir sur ce long passage que le pape François donne dans un premier paragraphe au sujet des peurs. Des peurs qui nous empêchent de poser réellement de bons discernements. Il en écrit deux pages pour bien montrer que c'est une réalité qui nous habite aujourd'hui, peut-être plus encore qu'avant. Et il nous donne une certaine explication, je cite le pape François. « Aujourd'hui, il y a tant de jeunes qui ont la sensation de devoir être différents de ce qu'ils sont en réalité, tentant de se conformer au modèle souvent factice et inaccessible. » Ils procèdent continuellement à des retouches de photos de leurs propres images en se cachant derrière des masques et de fausses identités jusqu'au point de devenir presque eux-mêmes un fake. Il y a chez beaucoup l'obsession de recevoir le plus grand nombre possible de « j'aime » et de ce sentiment d'inadéquation naissent de nombreuses peurs et incertitudes. Voilà, pape François qui a l'air de bien connaître ce que les jeunes vivent dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas si différent de ce que les jeunes vivaient hier, sauf que les nouvelles technologies accentuent certains travers. Et notamment les réseaux sociaux peuvent accentuer certains travers. Là, ce que pointe le pape François, c'est le fait de chercher à correspondre à quelque chose que l'on n'est pas. De chercher à ressembler ou à calquer un modèle qui n'est pas nous, qui n'est pas nous-mêmes. De vouloir ressembler. On sait qu'à l'adolescence, c'est un sentiment très fort et très important. On a besoin d'avoir cette appartenance à un groupe et on est prêt à tout pour ressembler, faire partie de la gagne. Mais l'adolescence peut durer longtemps, très longtemps. Et on peut continuer à vivre avec ce besoin de plaire aux autres. Le problème de ce positionnement, c'est qu'on ne sait pas qui on est, vraiment. Et donc on ne peut pas répondre à aucun appel ou aucune vocation. On ne peut pas orienter réellement sa vie. Et ici, le pape François pointe les conséquences de cet état de fait, c'est que ça génère des peurs, de nombreuses peurs et beaucoup d'incertitudes. On vit à l'époque de la consommation des anxiolytiques, de la légalisation du pot, ça sert à quoi tout ça? C'est des moyens de gérer plus ou moins des peurs, ou au moins de les dépasser avec des outils qui sont souvent parfois nécessaires, je pense à la médication lorsque c'est nécessaire, mais qui en tout cas mettent en lumière un mal face auquel nous sommes confrontés. Mais il y a aussi d'autres manières. Et il me semble que l'Évangile nous donne ce soir deux clés. Déjà pour trouver nos repères, pour habiter notre vie, pour découvrir qui nous sommes. Jésus nous donne deux paroles fortes que je voudrais simplement souligner. La première, qui est tellement réconfortante. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Jésus nous dit que si nous sommes là ce soir, ce don de foi, c'est parce que Jésus nous permet de l'avoir, ce don, cette grâce. Il a un choix sur chacun et chacune d'entre nous, comme nous sommes. Et Jésus n'attend pas que nous correspondions à quelque chose. Jésus nous aime comme nous sommes. D'accueillir ce choix de Jésus est réconfortant. C'est unifiant. Ça unifie notre vie. Parce que c'est ici, face à lui, dans cette relation avec lui, que nous sommes réellement, pleinement nous-mêmes. Sans nécessité de correspondre à un modèle, de devoir être comme ci ou comme ça, de correspondre à tel stéréotype. Jésus nous aime comme nous sommes. Et d'accueillir cette parole, c'est moi qui vous ai choisi. Cette élection que Jésus a pour chacun, chacune d'entre nous, est guérissante. Cette guérison se fait profondément en nous et fait une œuvre qui descend au plus profond de notre cœur. Jésus nous choisit. D'abord, il est le premier à nous choisir. Et ce choix suppose que, oui, il y a en nous la possibilité de répondre à ce choix. Et c'est ça la vocation, c'est de répondre au choix tout spécial que Dieu a pour chacun de nous. Et donc il y a en sorte autant de vocation que d'être humain, parce que chacun va y répondre d'une manière singulière, particulière, unique. Oui, il va y avoir les grands modèles de la vocation consacrée, du sacerdoce, du mariage, mais chacun y répond d'une manière singulière, unique. Il n'y a pas deux couples pareils, il n'y a pas deux prêtres pareils, il n'y a pas deux personnes pareilles. Nous n'avons pas à correspondre à rien que nous ne sommes pas. Voilà la première bonne nouvelle qui nous réconforte. Jésus nous choisit. Et ce qui est beau, c'est que ce choix procède et génère en fait de la fécondité. Ce choix génère une grande fécondité. Pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si nous sommes vraiment qui nous sommes, nous porterons un grand fruit. Première parole à recevoir ce soir, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Une deuxième parole qui va dans le même sens. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Jésus nous dit, je vous appelle mes amis. Jésus veut entrer dans une relation d'amitié avec nous. Et il explique c'est quoi cette relation d'amitié. Il nous dit juste au-dessus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça, l'amitié qui va jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus va offre sa vie pour ses amis que nous sommes. Et Jésus nous appelle amis, il ne nous demande pas immédiatement « Soyez comme moi pour devenir vous mes amis ». Il nous appelle amis. Où que nous en soyons, il nous appelle ses amis. Dans notre imperfection, dans nos pauvretés, nos petits côtés, nos misères, nos péchés, il nous appelle amis. Parce qu'il a livré sa vie par amour pour ses amis, pour nous. Et c'est en cela que nous sommes ses amis. Il n'a rien retenu, il a tout donné pour nous. Ces deux paroles, me semble-t-il, peuvent véritablement nous aider à retrouver nos repères dans ce que Dieu a inscrit en nous. Pas dans ce que les autres pensent qu'on doit faire, mais dans ce que nous sommes véritablement, dans ce mystère que nous sommes à nos propres yeux, mais que Dieu veut, que Dieu choisit, que Dieu crée à chaque instant. Alors nous pouvons avoir le vertige, Dieu nous choisit et il nous appelle ses amis. Ça peut donner le vertige, parce qu'on se sent bien indigne de tout cela, de cette élection, et même bien indigne de cette amitié. Qui suis-je, moi, pour me laisser appeler ami du Christ ? Bien, la déclaration de Jésus est un appel. Que tout au long de ma vie, auquel tout au long de ma vie, je vais tenter de répondre. Et encore une fois, c'est ça la vocation. J'essaye de répondre à ce choix et à cette amitié que Jésus veut construire avec moi. Et je passe ma vie à y répondre. C'est vraiment un cadeau que le Seigneur nous fait ce soir de recevoir cette parole et de recevoir son amitié. Nous savons combien nous pouvons être blessés dans des amitiés. Peut-être on a été trahi, peut-être qu'on a l'impression d'être un mauvais ami parce qu'on n'est parfois pas très fidèle, nous non plus, dans les amitiés. Peut-être qu'on a l'impression de ne pas avoir d'amis ou de ne pas être digne d'être aimé. Mais le Seigneur nous le redit ce soir. Je vous appelle mes amis. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Il nous a tout transmis. Cette connaissance du Père, c'est cette relation intime qu'il a avec le Père, et il nous l'a fait connaître. Il nous fait entrer dans cette relation nouvelle avec Dieu. Alors Seigneur, nous voulons te rendre grâce, toi qui es le véritable ami. Même si nous ne nous sentons pas à la hauteur de ton amitié, de cette amitié que tu construis avec nous, tu nous fais confiance malgré tout. Tu choisis de nous faire confiance. Tu nous choisis pour être tes amis. Merci Seigneur pour ce choix que tu fais de chacune d'entre nous. Tu nous appelles à grandir dans une relation d'amitié avec toi. Et comme le dit Saint Claude la Colombière, tu es le véritable ami. Saint Claude la Colombière, un saint jésuite qui est mort tout jeune, a fait cette découverte de Jésus véritable ami. Il a une belle prière dans laquelle il dit « Mais même si tous m'abandonnent, toi tu es toujours là. Même si je dois déménager et partir à l'autre bout du monde, toi tu es toujours là. Même lorsque je ne t'aime pas, tu restes, toi, mon ami. Même lorsque je te rejette, tu continues à vouloir être mon ami. » Oui Seigneur, merci de nous inviter à entrer dans cette grande amitié qui nous guérit de notre infidélité, qui nous guérit du péché. Tu nous invites à entrer dans cette grande relation avec toi pour répondre à cette vocation que tu as inscrite en notre cœur. Alors nous te demandons Seigneur pour avancer sur cet appel que tu as pour nous, bien de grandir en amitié pour toi. Te demandons cette grâce ce soir de découvrir quelle est cette relation d'amitié que tu veux construire avec nous, faire ce petit pas de l'amitié pour toi et nous verrons bien où cela nous conduira, mais donne-nous de faire ce petit pas aujourd'hui. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis.